107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Marie-Josée Saxe qui est thérapeute. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va bien, merci, contente d'être là aujourd'hui avec toi. Bah, merci d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc, je suis Marie-Josée Saxe, j'ai 56 ans et je suis thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler de ta profession ? Alors, je propose des entretiens individuels et de couple. Je peux dire aussi que je suis sophrologue et formatrice et bientôt hypnothérapeute. Alors l'hypnothérapie, c'est quand tu mets la personne en état de transe, c'est ça, ou de sommeil profond. De transe. Le premier mot que tu disais était très juste. En gros, tu dis à la personne, détendez-vous, vous vous voyez sur une plage, etc. Vous êtes détendu, qu'est-ce que vous voyez, etc. C'est ça ? Alors ça, c'est le milieu avant, on va l'emmener en transe. Mm-hmm. Donc c'est vraiment pour créer un état qui est proche de la veille et du sommeil. Et après, effectivement, on l'emmène dans un lieu sécure où on va lui faire ce qu'on appelle, nous, des inductions, c'est-à-dire lui amener des éléments réparateurs par rapport à son besoin. Donc la personne à moitié endormie, elle n'entend que toi et elle commence à se livrer. En fait, c'est pour qu'elle se sente plus à l'aise du coup, parce qu'elle est dans un milieu qui la rassure en état de transe. Alors l'idée n'est pas forcément là. C'est déjà, petite précision, c'est un état vraiment entre veille et sommeil. C'est-à-dire que la personne, elle peut dire si ça lui convient pas, elle peut dire s'il y a des choses qui la dérangent, elle peut répondre aux questions. Et l'idée, c'est vraiment de l'amener dans un état légèrement, je vais dire, différent de ce qu'elle peut être. Par exemple, quelqu'un qui va être dans la maîtrise, hein, qui va vouloir tout contrôler grâce à la transhypnotique, elle va pouvoir s'autoriser mentalement à lâcher. Mentalement, c'est même pas le mot qui conviendrait, c'est vraiment le travail avec le fait de passer du conscient à l'inconscient. Donc, elle laisse son esprit faire. Et elle se répare par cette séance. Est-ce que ça peut, par exemple, réveiller des souvenirs qu'on avait enfouis et qui peut être la cause d'un mal-être et qu'on ne sait pas pourquoi, par exemple ? Alors ça, c'est souvent dans le commun des mortels la plus grande inquiétude. Mais en fait, l'idée du praticien en hypnose, c'est d'y aller avec modération pour emmener le patient en transe et au départ. Les premières transes sont vraiment déjà d'appréhender la personne et ses façons de réagir. Il arrive effectivement que des souvenirs reviennent, mais c'est pas forcément dans le moment de la transe. Depuis quand est-ce que tu fais tout ça, toi ? Alors, je fais ça depuis à peu près une trentaine d'années, parce que à la base, je suis infirmière, diplômée d'État, et j'ai travaillé en hôpital psychiatrique, où j'ai pu pratiquer, j'ai pu me former, j'ai pu, vraiment me rôder, on va dire, à tout un tas d'outils thérapeutiques. Et depuis un an, je suis installée dans mon cabinet à Saulx-sur-les-Nancy. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ce domaine particulièrement ? Alors, je suis arrivée en psychiatrie un peu par hasard, mais j'y suis vraiment pas restée par hasard, parce qu'en fait, la psychiatrie a cet avantage d'avoir des liens authentiques avec les personnes. Le faux semblant n'existe pas. Le faux semblant est compliqué pour à la fois le soignant et le patient. Et donc, ça a été un peu vraiment l'attrait principal. Ensuite, c'est vraiment les rencontres avec les personnes, les histoires différentes, les vécus différents, les appréhensions différentes, toutes ces croyances, toutes ces valeurs, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta profession ? Eh bien, justement, c'est la rencontre avec l'autre quel qu'il soit, et l'autre qui va petit à petit s'autoriser à se montrer, se découvrir et justement devenir lui. Et comment est-ce qu'on peut aller te voir ? Et tu es où ? Alors, pour venir me voir, déjà, il faut prendre rendez-vous. Alors, soit rendez-vous téléphonique ou sur ma page Google. Et je suis située à Saulx-sur-les-Nancy. Alors, pour ceux qui connaissent pas, peut-être qu'il y a des footballeurs, le stade Marcel Picot, c'est à côté. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différents soins que tu proposes. On vous laisse avec Kungs et son titre This Girl. On se retrouvera juste après sur Radio Guimauzo. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Marie-Josée. Alors, c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychothérapeute et un psychologue? Parce qu'on dit toujours, ouais, je vais chez le psy, je vais voir quelqu'un. Du coup, on va voir qui? Si c'est une première approche, un psychiatre, ça va quand même être quelqu'un qui est médecin et qui est spécialisé dans la psychiatrie. Donc là, il faut s'attendre à quelque chose de... En première intention, en tout cas, je le déconseillerais. Un psychologue peut être intéressant parce que c'est un professionnel de qui a fait des études de psychologie et qui offre des thérapies. Et un thérapeute, comme je suis, en fait, c'est... je fournis un soutien émotionnel et j'aide les personnes à mobiliser leurs ressources pour faire face à leurs difficultés, qu'elles soient personnelles, familiales ou relationnelles. Donc je vais être beaucoup plus dans le concret avec la personne et beaucoup moins dans l'étiquetage de la pathologie, je dirais, ou même des grilles d'évaluation. Moi, ça m'intéresse pas. Le psychiatre, il règle pas tout avec des traitements médicamenteux, par exemple. Il cherche pas vraiment la raison pour laquelle on n'est pas bien. Il va pas trop dans l'émotionnel. Alors, je dirais que certains peuvent, mais en fait, c'est pas l'idée. Déjà, c'est que certaines pathologies, je vais parler de problèmes comme l'anxiété n'est pas forcément à médiquer directement. Heureusement. Il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées avant. La verbalisation en fait partie, mais la sophrologie peut en faire partie aussi. C'est un peu comme si on avait un nez qui coule et directement on prendrait des antibiotiques. Non, on va déjà peut-être essayer de mettre une écharpe, prendre un petit thé avec du miel, et ensuite on va faire des lavages de nez. Voilà, on y va progressivement et heureusement. Alors j'imagine que le mental, c'est quelque chose d'assez complexe. Effectivement, le mental est extrêmement complexe. Et heureusement, je dirais, parce que c'est lui qui nous permet de nous adapter à des situations changeantes et à faire face à toutes sortes de défis. Il peut aussi s'auto-réguler pour maintenir un équilibre émotionnel. Il englobe un vaste éventail de processus comme les émotions, la pensée, la mémoire, l'apprentissage, la perception, la prise de décision. Tout ça, c'est vraiment interconnecté. Donc, à partir de là, si tu m'arrêtes pas, moi, je peux parler jusqu'à demain. Sur le mental. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le corps peut parfois être plus fort que le mental? Alors, en réalité, le corps et l'esprit sont profondément interconnectés aussi. Et leur relation, elle est vraiment en symbiose, c'est-à-dire imbriquée l'une dans l'autre. Le corps, il est remarquable parce qu'il est capable de s'adapter à des défis physiques. Et à la persévérance nécessaire pour maintenir une bonne santé, mais le stress, l'anxiété ou d'autres facteurs psychologiques peuvent avoir un impact considérable sur la santé physique, donc forcément affecter le mental. Il n'est pas facile de parler de soi à un inconnu. Comment est-ce que tu fais, toi, pour que les personnes qui viennent te voir se livrent à toi? Alors, j'ai pas de recette magique. En fait, j'essaie de comprendre que, déjà, cette donnée-là, il n'est pas facile de parler de soi et que je vais mettre de la douceur dans mon accueil. Je vais accepter que la personne a besoin de temps. Parfois, je vais détourner un peu son attention pour... En lui proposant des jeux, des cartes métaphoriques qui peuvent lui évoquer des choses. C'est vraiment, à mon goût, c'est important d'être respectueux. La parole est précieuse et la personne va se livrer sur de l'intime. Donc, être insistante ou pressante, ce serait vraiment. À l'inverse de ce que je souhaite mettre en place avec elle pour établir une relation de confiance. Et la carte métaphorique, c'est pas les feuilles blanches avec les taches d'encre. Tu dis, qu'est-ce que vous voyez là? Oh, je vois mon père en train de labourer un champ de blé. Non, alors ça, c'est le Rorschach. Non, c'est, voilà, typiquement une petite carte métaphorique. Je vais la décrire parce qu'on est à la radio. Alors, on voit une autruche qui, on voit son corps et sa tête, en fait, est dans la terre. Voilà. Je fais généralement choisir au hasard à la personne et de ça, je lui propose de raconter ce qu'elle peut percevoir, comment elle interprète cette carte, est-ce que éventuellement ça pourrait parler d'elle et voilà. Et je la laisse dérouler ce qu'elle a envie de dire à ce moment-là, sans insistance. Bah quand je vois la carte là, moi avec l'autruche, on dit toujours faire l'autruche. Moi c'est comme si tu me disais comment tu interpréterais cette carte, c'est qu'en fait on met la tête dans le sol pour pas avoir les problèmes, par exemple, qu'on a, qu'on veut pas les affronter, qu'on est un peu dans le déni, on dit toujours oui, tout va bien, alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas, quoi. Alors ça peut être ça, mais mon rôle à moi c'est justement de ne pas interpréter. La personne, elle a justement ses modes de pensée, ses croyances, ses valeurs. Et je vais tout le long de la prise en charge la prendre telle qu'elle est, avec tout ça. Et c'est indispensable pour moi de le respecter. Sinon, encore une fois, là, déontologiquement, je serai à côté. Est-ce que le fait d'admettre qu'on a un problème, c'est pas déjà un pas vers la guérison ? Alors, effectivement, c'est déjà une belle approche. Après, c'est le début de quelque chose. L'idée, c'est de conforter l'engagement de la personne et surtout de comprendre ce qu'elle veut exactement, où elle veut arriver, et pas de conduire mes propres envies, par exemple. Parce que encore une fois, là, si d'un seul coup je veux la convaincre que les olives c'est formidable et qu'elle va en mettre partout dans ses plats, si elle déteste, là je serai à côté. Et forcément, je ferai effraction dans sa vie. À savoir, auditeur, si ça t'intéresse, je déteste les olives. Ah ben, je tombais à pic, alors. Est-ce qu'un manque de confiance en soi, ça peut être dû à un manque d'estime de soi ? Alors, oui. Les deux aspects sont souvent interdépendants. C'est vraiment quelque chose qui se rapporte à la manière dont la personne se perçoit et s'évalue. Mais ils ont vraiment des nuances différentes. Le manque de confiance en soi, il se réfère à vraiment une croyance que la personne, elle doute de ses propres capacités et à la conviction qu'elle peut pas réussir dans différentes situations. Alors que le manque d'estime de soi, elle concerne la façon dont la personne se perçoit. Une personne avec une faible estime d'elle-même, elle peut avoir une opinion négative d'elle-même et se sentir indigne d'amour. Donc on voit bien que là, c'est différent. Et comment est-ce qu'on apprend à se faire confiance ? Ah, c'est tout un programme. Déjà, alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. C'est là, encore une fois, où la personne a envie de démarrer. Par rapport à son histoire, qu'elle soit son histoire familiale, professionnelle. Et ce que j'aurais envie de dire avant tout, c'est quelque chose d'assez basique. C'est qu'il va falloir déjà qu'elle fasse attention à sa santé mentale et physique. C'est-à-dire que il est important en tout cas qu'elle fasse attention pour ses émotions, pour son moral, à s'alimenter correctement, à faire attention à son rythme de sommeil, à son exercice physique. Et ensuite, elle pourra éventuellement, je pourrai l'accompagner dans des techniques de gestion du stress, de sophrologie, d'hypnose. Et ensuite, pour voir un peu si elle adhère déjà à la façon de faire. Et au fur et à mesure, on va ensemble décrypter ses besoins et apporter au fur et à mesure les outils nécessaires. Et comment est-ce que tu détermines les soins que tu vas prodiguer à un de tes patients ? Alors, c'est bien je dirais un petit peu Mon identité, c'est que je ne détermine pas. C'est pas moi qui détermine, c'est nous, c'est le patient et moi, où au fur et à mesure, on va s'engager ensemble dans un chemin qui paraît le plus adéquat par rapport aux besoins et aux ressources qui sont aussi exploitables, parce que l'idée, c'est vraiment... Moi, en tout cas, j'ai envie, quand j'accompagne quelqu'un, c'est de mettre en valeur toutes ses compétences, ses capacités, et de surtout pas aller gratter là où ça fait mal. C'est contre-productif à mon goût. Et comment est-ce que tu détermines le nombre de séances auxquelles il pourrait assister pour qu'il se sente mieux ? Alors ça aussi, ça me fait beaucoup rire en ce moment, parce qu'on voit des packages de en 4 séances, guérissez de telle chose ou telle chose. Mais... À mon goût, je suis pas une prometteuse de beaux jours. La personne, déjà, je vais me resituer en tant que personne pour travailler en psychiatrie. J'ai moi-même fait un travail où je me suis allongée sur un divan pendant une dizaine d'années pour travailler sur mon histoire et pas rebondir sur l'histoire de l'autre ou guérir à travers l'autre. Et j'ai bien pu remarquer que à certains moments, j'avais juste envie de m'installer chez mon psychothérapeute et prendre le temps de goûter au silence, prendre le temps de goûter à l'accueil et prendre le temps de réfléchir en silence en étant accueilli et conforté dans cette posture-là. Donc j'imagine pas dire à une personne en 4 séances, je vous garantis que je ferai ça. D'autant plus que, imaginons, je fais cette promesse de beau jour et la personne n'y arrive pas. À mon goût, ce que je vais faire, c'est renforcer sa culpabilité, renforcer son sentiment de honte et renforcer son sentiment d'incurabilité. Et c'est l'inverse que je veux produire avec la personne. Donc, jamais je ferai ça. Alors, si d'autres le font, tant mieux pour eux, mais c'est pas ma méthode. Donc en tant que thérapeute, tu peux avoir un peu d'empathie, mais il faut pas trop t'investir en fait, c'est ça, il faut avoir un peu de recul. Alors, oui, effectivement, il faut avoir du... En fait, l'idée, c'est d'accompagner la personne, et c'est pas de vivre à la place, de choisir à la place, de penser à sa place. Ça veut pas dire pour autant que certaines situations ne sont pas tragiques ou ne suscitent pas d'émotions. Entendre une situation d'une personne qu'elle-même a banalisée pour pouvoir justement accepter et vivre avec, lui redonner un peu une tonalité émotionnelle de ma part, c'est justement l'aider à comprendre que non, ce qu'elle a vécu, c'était pas normal, non, ce qu'elle maintenant elle peut accepter de faire autrement et de dire stop ou de refuser certaines choses ou certains actes. Est-ce qu'une personne qui se préoccupe plus des autres que d'elle-même, elle peut finir par s'oublier avec le temps? Alors cette question me ramène à quelque chose que j'évoque souvent en formation, c'est le triangle de Karpman. Karpman, c'est un psychologue des années 60 qui a travaillé sur trois postures. La posture de sauveur, de victime et de bourreau. Et le soignant, quel qu'il soit, quel que soit son grade ou son niveau, comme on veut, peut avoir cette tendance, justement, s'il n'a pas travaillé sur lui, de vouloir porter l'autre, de se prendre un petit peu pour Dieu tout-puissant. Et ça peut être utile à la personne qui vient consulter, qui peut se poser aussi, elle, en place de victime, mais en y regardant de plus près, en fait, si le thérapeute prend ce rôle de sauveur, le côté contre-productif, c'est qu'il va vraiment confirmer à la victime que sans lui, il s'en sortira pas seul, sans lui, il sera jamais capable. Alors qu'une bonne thérapie, c'est justement préserver l'autonomie et enrichir l'autonomie de la personne. Vraiment important de prendre du temps pour soi et de s'écouter aussi, je pense. Tout à fait, c'est indispensable. Dans un couple, est-ce qu'une personne jalouse, elle peut l'être à cause d'un manque de confiance en elle ? Alors, oui, c'est un peu la bonne excuse quand même, hein. Sous prétexte de, quel qu'il soit, confiance en soi, manque d'amour, quoi que ce soit, on va le reprocher à l'autre ou on va manifester des troubles, des symptômes ou même des caprices. Effectivement, ça joue dans le fait d'être jaloux, mais... est-ce que ça doit être quelque chose qui doit rester immuable ? Je pense pas. Ça, il est possible de travailler sur la jalousie pour justement l'éliminer en reprenant confiance en soi. Est-ce que par la thérapie, le fait de se faire confiance, de s'accorder du temps pour soi, est-ce que ça peut nous permettre de découvrir des capacités qu'on ne pensait pas détenir ? C'est le propre d'une thérapie, c'est qu'en fait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est voir des personnes arriver qui sont comme un diamant à l'état brut, une roche insignifiante, un vieux caillou où on pourrait chuter dedans et... au fur et à mesure qu'ils s'autorisent à se montrer, qu'ils s'autorisent à se percevoir, qu'ils s'autorisent à oser dire et à se découvrir. Et en fait, je découvre et elle découvre qu'elles sont de véritables joyaux. Et ça, c'est adorable. Nous allons faire une deuxième pause musicale pour mieux se retrouver ensuite. On vous laisse avec FKJ avec leur titre Ylang Ylang. Je crois que c'est quelque chose qu'on met dans le thé, ça, non, le Ylang Ylang. Ah, ça peut être une huile essentielle qui joue aussi au niveau de la gestion du stress, de la détente. Ça sent très bon, Ylang Ylang. D'accord. Merci pour cette explication, Marie-Jo. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Marie-Josée. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site internet http://stream.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez également nous écouter localement en branchant votre transistor ou votre autoradio sur le 107. Alors Marie-Jo, sur ton site internet, on peut lire « Avec mon soutien, vous saurez mieux vous connaître, exploiter de façon optimale vos possibilités émotionnelles, créatrices relationnelles, sensorielles et psychocorporelles. Le développement de votre potentiel vous guidera vers une existence plus harmonieuse et satisfaisante. » Ça veut dire quoi ? Ah, c'est pas bon signe, hein, si tu ne m'as pas compris, Laura, mais... Alors l'idée, c'est vraiment qu'en recevant un soutien dans le développement des compétences de personnelles et émotionnelles, une personne, elle va pouvoir être en mesure de mieux se connaître, d'exploiter pleinement ses capacités et d'atteindre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Exploiter de façon optimale ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, sensorielles, psychocorporelles. Si je détaille, c'est que, en fait, la personne, elle sera vraiment en capacité d'utiliser tous ses potentiels dans le domaine de sa vie, que ce soit les compétences émotionnelles, comme la gestion des émotions, sa créativité... ses compétences relationnelles comme la communication et les relations interpersonnelles, son sens et la conscience de son corps, parce que y a plein de gens qui sont complètement cérébrales et qui sont coupés de leur corps, qui l'utilisent vraiment comme une machine, comme un outil. Et du coup, forcément, ça va être compliqué au niveau du bien-être mental et physique. Alors que si la personne, elle se connaît mieux, eh ben forcément, elle va avoir une meilleure compréhension d'elle-même, de ses émotions, de ses pensées, de ses forces et de ses faiblesses. Et elle pourra ainsi largement plus explorer ses motivations, ses valeurs, ses objectifs de manière beaucoup plus approfondie. Et ce qui fait que forcément, la personne, elle va, c'est ce que je disais par rapport aux petits cailloux, là, elle va être dans un processus de croissance personnelle et elle va chercher, en tout cas, c'est vraiment le but, à explorer pleinement ses capacités et à réaliser son potentiel au maximum au niveau des aspects de sa vie. Hein, généralement, le petit caillou, on le regarde pas, il est pas très beau et ça devient un diamant, hein, souvenez-vous. Et forcément, ça va donner une existence qui va être beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus satisfaisante. Et tout ça fait que la personne, elle va être épanouie. Ou en tout cas, elle va... Alors ça, c'est pour... Parce qu'il faut distinguer aussi ce que je peux recevoir des personnes qui sont déjà, on va dire, où la pathologie mentale a été diagnostiquée. Et donc, c'est des personnes qui vont trouver un équilibre de vie satisfaisant par rapport à leur pathologie. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître ? Parce que des fois, tu peux faire la connaissance de personnes, et puis au fil du temps, tu découvres des choses que tu pensais pas qu'ils étaient capables de faire. Mais se connaître soi, ça doit être encore plus compliqué. Je crois qu'on n'y suffit pas d'une vie pour se connaître. Un exemple, il y a quelque temps, j'ai été un gros camion s'est rabattu sur ma voiture. Et j'étais sur l'autoroute et de part et d'autre, hein, devant et derrière moi, il y avait deux camions. Je me serais jamais, si on m'avait donné cette situation, j'aurais jamais dit que j'aurais été capable de gérer le fait de pas aller dans le talus, le fait de pas avoir d'accident, mais de réussir à m'extirper de ce moment. Et derrière, d'appeler la police d'autoroute, de poursuivre le camion pour faire mon constat et repartir derrière, donner une formation comme si de rien n'était. Voilà, c'est inimaginable. L'être humain est super bien fait pour ça. C'est qu'il a des ressources qui sont inexplorées, inexploitées, et qui ressurgissent comme ça, des moments incroyables. Et c'est toute cette notion-là que les personnes en demande d'aide, en tout cas qui viennent dans mon cabinet, ont oublié, et qu'il est important avec elles de vraiment remettre en lumière. Est-ce que dans les cas extrêmes comme ça, est-ce que c'est vrai qu'on voit sa vie défiler devant ses yeux ? Ah non, là, j'ai pas eu le temps. J'ai plus calculé. J'ai vraiment calculé les actions. Par exemple, si j'accélérais, je m'encastrais devant le camion de devant. Si je freinais, c'était celui de derrière qui me roulait dessus. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il faut que tu déboîtes et il faut que tu ailles dans l'espace qui reste, qui était minime. Tant pis pour la voiture, faut que tu passes. Et voilà, je me suis plus posé de questions. Je pense que j'ai eu un phénomène qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que j'ai coupé le mental, j'ai coupé les peurs et j'y suis allée. Et ça, voilà, ma voiture a largement frotté. Donc heureusement, la police d'autoroute était là pour. Je suis sortie de ma voiture pour faire le constat, mais je tremblais, de la tête aux pieds. Et je me souviens qu'ils ont été fort sympathiques parce que je leur ai dit, écoutez, là, faites le tour avec moi de la voiture. Est-ce que je peux repartir? Est-ce que ça va être bon? Et voilà, ils étaient très à la fois souriants et doux et bienveillants avec moi. Et ça a été vraiment un chouette moment au final parce que une découverte par rapport à une compétence que je ne connaissais pas. Après, je le souhaite à personne, hein, soyons clairs. En fait, ce qui t'a porté à poursuivre le camion, c'est l'adrénaline. Mais une fois que tout ça s'est fini, tout est redescendu et c'est là que les nerfs ont lâché, quoi. Alors, ce qui m'a... Voilà, moi, je suis quelqu'un... Je suis une endurante, une patiente endurante. C'est-à-dire que là, j'avais envie... la voiture, à l'heure actuelle, c'est quand même un peu indispensable et ça coûte assez cher. Donc, j'avais pas envie... J'avais pas envie d'avoir ma voiture à moitié désossée et devoir me la traîner comme ça, d'une part. Et puis en même temps, sur le moment, j'ai pas compris que le camion ne m'avait pas vu. Je n'ai pas compris. Donc là, j'étais plutôt dans un truc du style, non, mais là, il va pas faire ça en toute impunité. Il faut qu'il se souvienne qu'il a fait ça, parce que pour moi, ça s'est relativement bien passé. Hein. Je m'en tire avec de bonnes frayeurs. Le carrossier a été content, l'assureur moins. Mais d'autres pourraient le vivre beaucoup plus dramatiquement. Donc si le camion, ça lui sert un peu de leçon pour vérifier la prochaine fois, je serais super contente. Tu proposes des thérapies, mais est-ce que c'est que des séances individuelles ? Alors non, je peux également proposer des entretiens de couple. Alors des entretiens de couple avec plusieurs objectifs. Il y a pas si longtemps, j'ai reçu dans mon cabinet un couple qui voulait se séparer correctement par rapport aux enfants, faire ça vraiment avec le plus de délicatesse et de respect possible pour justement que les enfants ne vivent pas ça comme une effraction. Je peux aussi aider certains couples à retrouver du sens dans leur fonctionnement pour retrouver une harmonie, un équilibre. Je peux travailler aussi au domicile. Alors ça, j'ai pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup travailler au domicile de personnes âgées isolées qui ont besoin de verbaliser des choses et qui ne s'autorisent pas à le dire à leurs enfants ou à leur famille de peur du jugement, de peur d'encombrer, que ce soit dans la fin de vie, mais aussi après un deuil. Et pour la thérapie de couple, est-ce que c'est différent d'un conseiller conjugal ? Alors, déjà, conseiller conjugal, pour moi, il y a le mot conseil. Moi, je suis pas dans le conseil. Moi, je vais faire une relecture de leur fonctionnement, qu'il soit le fonctionnement de monsieur, de madame, mais aussi le fonctionnement du couple en entier. et leur en faire part et leur demander si c'est vraiment ça qu'ils veulent conduire. Et autour de ça, de leur proposer de regarder quand ils mettent des choses en place ou quand ils disent des choses, et ben est-ce que c'est vraiment le besoin qui était sous-tendu à leur demande ou à leur réflexion? Est-ce que là ils se respectent? Est-ce qu'ils respectent leurs valeurs? Voilà, c'est pareil, c'est un sujet assez vaste donc je pourrais beaucoup parler, mais c'est vraiment un effet miroir avec l'idée de réussir à faire autrement, parce que souvent les couples qui arrivent vont essayer déjà de faire plein de choses, mais souvent le problème en fait c'est la solution, c'est leur solution, parce que je caricature, mais quand on est un petit peu, je vais dire, de façon familière, la tête dans le guidon, on a tendance à reproduire les mêmes effets, toujours et toujours, et forcément, si on fait tout le temps de la même chose, on va forcément avoir tout le temps le même résultat. En plus de la thérapie, tu proposes par exemple de la sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la sophrologie, c'est vraiment un outil qui m'est utile pour les personnes justement qui sont déjà dans quelque chose de très cérébral. Il y a des gens comme ça, ils vont réfléchir tant qu'et plus, ils vont donc c'est un outil qui va c'est Caicedo, hein, ça date des années 60, qui a combiné quelque chose qui mixe la relaxation, le travail sur le corps, la détente, la respiration. Et l'idée, c'est de vraiment recontacter le mental et le corps pour que la personne soit réunifiée et soit plus ancrée, justement, et moins dans son cérébral. Et tu proposes aussi de la luminothérapie. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, la luminothérapie, ça se présente sous forme de lunettes. C'est la marque, hein, c'est Psyo qui fait ça. C'est pour imaginer, il faut voir les Daft Punk et les lunettes qu'ils ont sur les yeux. Donc c'est à peu près ça, sauf que en plus il y a un lecteur MP3 qui diffuse par des écouteurs une séance soit de sophrologie, d'hypnose ou de relaxation. Et les lunettes de Daft Punk, comme je les appelle, diffusent, elles, de la lumière pulsée, qui a son importance parce que, par exemple, sur les séances du matin, pour des personnes qui travaillent de nuit, qui ont un peu des postes ou des horaires de travail particuliers, qui ont des difficultés à se réveiller, je vais proposer des séances où la couleur bleue sera dominante. Pour la journée, là, je vais utiliser un peu toutes les couleurs, mais par exemple le soir, je vais proposer des séances à tonalité de rouge pour vraiment faire baisser les ruminations et déjà stimuler les hormones du sommeil. C'est un dispositif intéressant parce qu'on peut il n'est pas à visée de traitement, c'est vraiment un outil thérapeutique pour soulager le stress, la douleur, les angoisses, l'anxiété. Et par exemple, mon mari l'utilise. Alors mon mari qui est très cartésien, hein, il a son entreprise, il travaille dans le milieu industriel, donc pour dire pur et dur. Et en fait, il m'a dit récemment, quand tu pars en formation, je peux plus faire ma turbo sieste. Et en fait, moi j'aime bien, ça me fait du bien. En 10 minutes, je suis reboostée pour toute l'après-midi. Donc il a fini par s'acheter des lunettes de luminothérapie. Donc c'est intéressant, c'est à tester. Et d'ailleurs, il suffit de prendre rendez-vous via mon site et je propose des séances de découverte des lunettes Psyo qui durent 40 minutes. gratuitement, voilà, aux personnes intéressées pour tester. La seule contre-indication, ou les seules, c'est l'épilepsie, effectivement. Là, c'est fortement déconseillé, voire interdit. Et je mettrai aussi une précaution par rapport aux femmes enceintes et aux enfants. Les enfants en dessous de 11 ans, je ne pratique pas. Tu disais que tu es formatrice, mais tu proposes quoi comme formation ? Alors, je propose tout un panel de formations parce que je travaille avec plusieurs organismes de formation. De par ma profession initiale, je suis formatrice accréditée en premier secours en santé mentale. Alors, c'est le module version adulte que je propose. C'est une formation sur 2 jours. Mais je travaille aussi autour de comment faire avec une personne à domicile qui présente des troubles psychiques. Je peux travailler sur la communication et son amélioration avec la personne âgée. Je peux proposer des formations sur la gestion des conflits, que ce soit en entreprise, que ce soit avec les patients, leur famille. Je pense qu'il y a des choses qui m'échappent, mais je pense que j'ai une 15aine de formations en mon actif. Thérapeute, formatrice, où tu trouves du temps pour toi finalement ? Alors déjà, le fait d'être thérapeute, pour moi, ça reste un enrichissement. Parce que c'est vraiment, comme je disais, hein, je ne sais pas ce que la personne va amener, je ne sais pas où elle va conduire son travail. Et formatrice, c'est aussi un moment de partage assez intense où je me retrouve à nouveau avec mes collègues professionnels avec qui les échanges sont riches et variés. Et donc tout ça, c'est déjà à mon goût un enrichissement. Et ensuite, il reste le soir, les week-ends, les vacances, parce que je ne suis pas le cordonnier le plus mal chaussé. Effectivement, je fais aussi attention à mon hygiène de vie, à mon rythme de vie. Avant de conclure cette émission, nous allons faire une dernière pause musicale. On va écouter Sofiane Pamart avec son titre Berlin. On se retrouvera juste après sur RGM. êtes toujours sur RGM avec Marie-Josée et Laura sur les ondes de RGM. Marie-Josée, est-ce que tu peux nous expliquer tes choix musicaux pour cette émission ? Alors, oui, c'était... que ce soit FKJ ou Sofiane Plamard, c'est vraiment des musiques qui représentent la tonalité de ce que je mets dans mes prises en charge. C'est vraiment, voilà, la douceur, l'empathie, le respect. J'ai pas parlé du secret professionnel, mais forcément, il est là. J'ai pas parlé non plus, et je fais des apartés, mais j'ai pas parlé du fait, et ça aussi, c'est important, parce que je me dois de le dire, que je ne me substitue en aucun cas à un psychologue ou un psychiatre, et que je travaille avec déjà une psychiatre avec qui je peux l'interpeller en cas de difficulté ou de questionnement par rapport à une personne qui vient me consulter. Et ça, c'est important parce que on travaille vraiment en lien et elle peut revoir la personne en urgence si besoin. Et j'ai pas précisé non plus que pour faire ce travail, il m'a semblé indispensable que moi-même je sois supervisée. La supervision d'un thérapeute, c'est en fait un autre professionnel de la santé mentale, en l'occurrence là un psychologue, avec qui je reprends toutes mes séances. Qu'elle soit satisfaisante, je vais dire, ou pas, pour un petit peu regarder le sens de à la fois de ce que j'ai mis en place, mais le sens qui pourrait m'échapper, et donc réguler ces séances et mes prises en charge. Et pour terminer, comme j'ai fait une aparté, je fais un appel un petit peu auprès des psychiatres libéraux, parce que pour le moment c'est un peu une profession qui est thérapeute, c'est connu, mais le fait qu'une infirmière s'autorise à être thérapeute, c'est un petit peu pas encore démocratisé, je vais dire. Et donc j'aimerais bien me faire connaître d'eux et j'aimerais bien travailler avec eux vraiment. Dans l'idée que justement tous les ajustements au quotidien de la personne et tous les moments où elle peut avoir besoin de verbaliser davantage, c'est vraiment ma posture et mon envie. Et les médecins généralistes aussi, j'en avais contacté certains, mais je pense que pour le moment, je suis encore un peu un ovni. Donc, s'ils entendent ce message, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour en parler davantage, je suis largement demandeuse, je dirais. Et donc, pour en revenir à la musique, Kungs, c'est vraiment... l'état dans lequel je suis quand je découvre ce diamant qui apparaît de la personne qui retrouve un équilibre émotionnel et mental et qui est prêt à reprendre sa vie et reprendre ou poursuivre sa vie avec un équilibre satisfaisant pour elle. Et le moment où on se dit au revoir est toujours émouvant, mais en même temps est la hauteur de cette musique. Est-ce que certains de tes patients reviennent te voir pour te dire merci, grâce à vous j'ai réussi à aller de l'avant? Oui, c'est toujours très, très surprenant, émouvant à la fois, où depuis toujours je peux être interpellée à une caisse de supermarché, au guichet de ma banque. Je reçois des petites cartes, je reçois des messages via mon compte Google de témoignages de personnes qui sont capables même de me reciter des phrases que je leur ai dites en me disant vous savez, quand vous m'avez dit ça, Madame Sachs, ça a vraiment fait un levier de changement pour moi et je m'en souviendrai toujours. D'autres ont gardé des petits post-it, c'est vraiment, C'est très chouette et me tiennent au courant de leur changement de vie, de mariage, enfant. Et c'est toujours avec plaisir que j'accueille tous ces témoignages. Est-ce que tu as déjà reçu des nouveaux patients qui ont été recommandés par des anciens ? Oui, ça, le bouche à oreille fonctionne bien, effectivement. Oui. C'est, va la voir, tu verras, elle est bien. C'est tranquille, elle te bouscule pas et elle va prendre le temps avec toi. Oui. Est-ce que tu as des futurs projets, Marie-Jo ? Alors, oui, j'en ai toujours 350. déjà de terminer ma formation d'hypnose thérapeutique. Dans le même temps que je la terminerai, je ferai une petite formation d'hypnose aussi, mais là, autour des personnes âgées. J'aimerais bien m'initier au Reiki. C'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis des années. Après, je vais me marier aussi. Ça, c'est un scoop un peu, mais c'est vraiment tout proche. Donc, et après, j'ai plein d'envies de construction de formation. Oui, il y a plein de choses. C'est quoi le Reiki? Le Reiki, c'est justement, un sport. Alors, je le connais pas assez, là. Donc, tu me donnes une question un peu piège. L'idée, c'est vraiment de chercher, encore une fois, à harmoniser le corps et le mental, je vais dire. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, on peut me retrouver via mon compte Facebook. Donc, j'ai fait simple, hein. J'ai fait Marie-Josée Saxe, comme ça, c'est très simple. Via mon compte Instagram et également sur mon compte Google. Toujours au même nom, Marie-Josée Saxe. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un numéro de téléphone et une adresse email à nous communiquer? Oui, j'ai un numéro de téléphone. C'est le 06 41 77 05 55. Et mon adresse, c'est contact@mariejoseesaxe. Alors, mariejosesaxe.fr. En tout attaché. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Marie-Jo? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Un beau mariage, déjà. Et après, de belles rencontres. Voilà, nourrissantes, surprenantes, distrayantes. Et voilà, moi, ça m'irait bien. La santé, bien sûr. Hein, ça, c'est évident, et si je pouvais avoir une baguette magique, parfois j'aimerais bien, hein, pour partager, mais c'est déjà bien. Moi, ça me va. Et cette émission maintenant terminée, Marie-Josée, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Laura. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie, que tu reviendras nous voir et que tu nous tiendras au courant de tes petites nouveautés. Oh, avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde. Vous écoutez Radio Game Ozo. Radio Game Ozo. 107.0.